Ces abîmes de noirceur effrayèrent du sardier, et, quand il sut positivement le jour de la vente, il sortit. Dès le lendemain matin, il entrait chez Frédéric avec une contenance embarrassée. « J'ai des excuses à vous faire. »« De quoi donc ? » ?»« Vous devez me prendre pour un ingrat, moi dont elle est... » Il balbutiait. « Oh, je ne la verrai plus. Je ne serai pas son complice. » Et, l'autre le regardant tout surpris, « Est-ce qu'on ne va pas dans 3 jours vendre les meubles de votre maîtresse ?»« Qui vous a dit cela ? » ?»« Elle-même, la Vannaz. Mais j'ai peur de vous offenser. »« Impossible, cher ami. »« Ah, c'est vrai, vous êtes si bon. » Et il lui tendit, d'une main discrète, un petit portefeuille de basane. C'était 4 000 francs, toutes ses économies. « Comment ? Ah non, non !»« Je savais bien que je vous blesserais, » répliqua Dussardier, avec une larme au bord des yeux. Frédéric lui serra la main, et le brave garçon reprit d'une voix dolente. « Acceptez-les. Faites-moi ce plaisir-là. Je suis tellement désespéré. Est-ce que tout n'est pas fini, d'ailleurs ? J'avais cru, quand la révolution est arrivée, qu'on serait heureux. Vous rappelez-vous ? Comme c'était beau, comme on respirait bien. Mais nous voilà retombés, pire que jamais. » Et, fixant ses yeux à terre, « Maintenant, ils tuent notre République, comme ils ont tué l'autre, la Romaine, et la pauvre Venise, la pauvre Pologne, la pauvre Hongrie. Quelles abominations ! D'abord, on a battu les arbres de la liberté, puis resté le droit de suffrage, fermé les clubs, rétabli la censure, et livré l'enseignement aux prêtres, en attendant l'Inquisition, pourquoi pas. Des conservateurs, nous c'était bien les Cosaques. On condamne les journaux quand ils parlent contre la peine de mort. Paris regorge de baïonnettes, 16 départements sont en état de siège. Et l'amnistie qui est encore une fois repoussée.